Toute la semaine, la Fabrique de l'Histoire va revenir sur mai 68 à partir des nouvelles recherches qui ont été développées depuis une dizaine d'années autour de ce thème, aujourd'hui mai 68 ailleurs qu'à Paris. Ce matin, nous allons donc sortir de Paris pour explorer l'univers 68 en région. Dans son ouvrage paru en début d'année, 1968, de grand soir en petit matin, Ludivine Mantigny a exploré des fonds d'archives départementaux qui redonnent toute son ampleur géographique à un événement souvent décrit comme essentiellement parisien. Mais c'est aussi le cas de bien d'autres ouvrages qui paraissent s'étendre ici. Ça s'appelle « Changer le monde »,« Changer sa vie », enquête sur les militantes et les militants des années 68 en France, mais également « Marseille, année 68 », dirigé par Olivier Filliol et Isabelle Sommier, Lyon en lutte dans les années 68, lieu et trajectoire de la contestation par le collectif de la Grande Côte, ou encore les années 68 en Bretagne, les mutations d'une société. C'est aux presses universitaires de Rennes. Nous allons parler de tous ces ouvrages ce matin. La Régie Renault possède de nombreuses usines, de nombreuses succursales même en province. La plupart sont fermées et occupées par le personnel. Il s'agit de Flins dans la grande banlieue parisienne, Cléon en Seine-Maritime, Sandouville près du Havre et Mans, Le Mans et Orléans. Dans l'industrie automobile, il y a à peu près actuellement 10 000 personnes en grève aux usines Berliet de Vénissieux. 7 000 à Rodiaceta, à Vèze. Le travail a également cessé à Belle Étoile et à Besançon. À Nantes, la grève d'occupation de l'usine se poursuit maintenant depuis 4 jours à Sud-Agassion. Aujourd'hui, le mouvement s'est étendu à l'usine Ernu-Batignolles. Voici d'ailleurs une liste qui est probablement incomplète des grosses entreprises françaises actuellement en grève. Dans la région parisienne, Nord Aviation au Mureau, Hispano-Suiza à Colombes, Sud Aviation à Suresnes, Snecma cette à Genouilly. Cette litanie, vous la connaissez peut-être, Ludivine Mantigny, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Olivier Filliol. Bonjour. Puisque c'est une litanie qui a souvent été redonnée sur les antennes par l'intermédiaire de ces archives de l'INA que nous fréquentons régulièrement les uns et les autres, c'est aussi ce que montre vos travaux récents aux uns et aux autres, c'est qu'il y a effectivement une floraison de mouvements étudiants, ouvriers, paysans, de grèves sur l'ensemble du territoire pendant toute la période de mai-juin 68, Ludivine Mantigny. Oui, ça nous semblait très important de décentrer le regard, de sortir de Paris, de la région parisienne et de montrer le foisonnement incroyable de ces mobilisations, de ces grèves, de ces occupations de lieux de travail qui vont d'ailleurs au-delà des usines, hein, puisque des bureaux, des magasins, des ports, des gares, des théâtres, des maisons de la culture sont occupés, que bien souvent on oublie les agriculteurs, et vous avez raison Emmanuel de les citer, parce que leur rôle est tout à fait fondamental, et ce dès avant le mois de mai et le mois de juin 1968. Et pour vous Olivier Filliol, c'était l'occasion de lancer de grandes enquêtes avec des chercheurs en sciences politiques, en histoire, en sociologie, autour justement de ces mouvements qui n'avaient pas lieu à Paris. Oui, je crois que l'objectif principal de la recherche que nous avons menée, c'était d'aller contre le sens commun sur mai 68, uniquement parisien, uniquement étudiant, uniquement festif, ce qui nous a naturellement conduit à nous tourner vers des villes de province moins étudiées et vers des luttes donc qui sont effectivement polymorphes, multiples et dans tous les secteurs de la vie sociale et politique. Vous êtes professeur de sociologie politique, vous avez rassemblé un collectif de chercheurs et de chercheuses autour de cette thématique? Oui, alors c'est donc une recherche financée par l'Agence nationale de la recherche en France, que je remercie au passage pour son financement, et qui a occupé 5 laboratoires et une trentaine de chercheurs pendant 5 ans. Donc c'était effectivement une grosse entreprise, puisque 5 villes étaient étudiées, explorées, avec un gros travail d'archives très approfondi, et puis tout un volant d'entretien biographique avec près de 400 individus, donc il a fallu effectivement une grosse équipe. Sophie Bérou, vous faisiez partie de ce travail avec le collectif de la Grande Côte qui a publié très récemment, donc aux presses universitaires de Lyon, « Lyon en lutte dans les années 68, lieu et trajectoire de la contestation ». Sophie Bérou, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon, que nous remercions de vous y accueillir. Oui, bonjour, bonjour à tous. Effectivement, j'ai participé avec d'autres chercheurs ici de Lyon, historiens, sociologues et politistes, à cette grande recherche donc, qui s'appelait Sombrero, qui portait sur 5 villes, sur les trajectoires, les implications biographiques de l'engagement militant dans les années 68. Et comme nous avions rassemblé un matériau assez important sur Lyon, comme c'est le cas aussi à Marseille et dans d'autres villes, nous avons décidé d'exploiter ce matériau davantage et de publier un ouvrage spécifique sur la contestation dans les années 68 à Lyon. En fait. Et pour vous, Christian Boujard, vous êtes spécialiste d'histoire de la Bretagne et vous avez œuvré seul dans votre coin, pourrait-on dire, pour nous faire un des années 68 en Bretagne. Et la Bretagne, tout compte fait, j'aurais bien voulu commencer par là, n'est pas un endroit accessoire dans cette contestation de mai 68, puisque c'est peut-être là que naissent beaucoup plus tôt, ainsi qu'à Caen et dans d'autres endroits en région, des revendications qui vont ensuite se développer pendant mai-juin 68. Christian Boujard, vous êtes en duplex avec nous depuis Rennes. Oui, bonjour. Alors effectivement, j'ai tenté de faire une synthèse des travaux, des colloques qui ont déjà pu avoir lieu sur cette période. Je me suis aussi replongé dans les archives départementales en particulier. Et j'ai essayé de montrer dans cette région comment les mobilisations paysannes d'abord, ouvrières ensuite, ont préparé la situation qui va être celle de 68. L'originalité de cette région, je crois qu'elle est double. D'une part, nous avons, dans les mois qui précèdent, des convergences, des contacts développés entre le syndicalisme ouvrier, CFDT, CGT, et le syndicalisme paysan lié à la FNSEA. Et ceci débouche sur une revendication particulière qui est liée à l'angoisse face au développement, ou ce qui est dit, considéré par certains comme un sous-développement de la région. Oui, ce qui est très, très net, c'est que quand on voit tous les slogans, toutes les banderoles des manifestations en Bretagne dans les années 67-68, c'est, alors je ne sais pas, on prend n'importe quelle ville, Redon veut vivre, Rennes veut vivre, Brest veut vivre, la Bretagne veut vivre, avec cette idée que cette région est étranglée par le développement économique de la métropole, enfin le développement économique du reste de la France, qui d'une certaine façon laisse de côté cette région. C'est cela qui prédomine. Voilà, alors c'est la perception que l'on a dans cette période. C'est lié au fait que les transformations agricoles font que de nombreux jeunes et même des agriculteurs sont contraints de quitter la terre, qu'il faut trouver des emplois en ville. Alors pour certains et pour beaucoup de jeunes, faire des études est un moyen d'essayer de s'en sortir. Mais en dépit quand même d'une politique de décentralisation industrielle, de quelques grands projets de l'État central. Et grâce à la volonté de combat d'Alexis Gouvernec et de tous les militants paysans qui étaient autour de lui au début des années 60, et voilà, qui ont tenu tête au Premier ministre Michel Debré en particulier. Absolument, il y a déjà eu des mobilisations qui ont pu recourir à des formes d'action violentes, d'une part. Il y a aussi le rôle du CELIB, qui est un organisme qui réunit, je dirais, toutes les forces vives, politiques, syndicales, professionnelles de la région, qui se bat pour obtenir des investissements. Et tout ça va converger, effectivement, avant même les événements parisiens du 22 mars, par exemple, sur une grande mobilisation régionale le 8 mai 1968, en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Ouais. Et on entend déjà Ludivine Montigny, en 1967, dans les manifestations de Redon ou de Quimper, des mots d'ordre qui disent « Nous ne voulons pas d'une Europe libérale où le profit serait capitaliste » ou encore « La Bretagne ne veut pas mourir », qui sont des slogans qui sont à la fois portés par la FNSEA, qui d'ailleurs va être un peu tiraillée dans son sein même, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, tiraillée dans son sein même par une aile plus allante et peut-être plus à gauche, en l'occurrence, au moment du mouvement de mai 68. Et puis, également, cette idée qu'on peut pratiquer la violence pour pouvoir s'opposer à l'État. On dépave déjà les rues à Quimper en, en 1967. Absolument, c'est vrai que les premiers pavés sont lancés non pas du tout sur le boulevard Saint-Michel au quartier latin à Paris, mais bel et bien à Quimper lors de la grande manifestation d'octobre 1967. Et vous avez raison d'indiquer que ce qui est pointé du doigt d'ores et déjà, c'est la mise en œuvre du marché commun dans la mesure où, pour les agriculteurs mobilisés, il s'agit d'une Europe libérale, une Europe du marché, une Europe qui apparaît extrêmement productiviste et qui tue à petit feu, hein, selon celles et ceux qui manifestent et qui vont d'ailleurs aussi rejoindre les grévistes du côté du monde salarié et du monde ouvrier. Voilà, une Europe qui divise et c'est une conscience d'ailleurs qui est aussi internationaliste. C'est ça qui est frappant, c'est que il s'agit d'articuler dans la mobilisation une échelle qui est très locale, une échelle nationale et aussi une échelle internationale. Parce que les agriculteurs en question évoquent aussi les pays du tiers-monde, les aberrations qui existent dans les contrastes même entre le productivisme d'un côté, l'exploitation des terres des anciennes colonies de l'autre. Et vous avez beaucoup insisté sur ça dans votre livre 68 de Grand Soir en Petit Matin. C'est aussi le début de fermeture d'usines, de crise industrielle ici et là. On ferme les forges d'Ennebon, il y a des conflits salariaux à Saint-Nazaire, à Sud Aviation, on va y revenir sûrement avec Christian Boujard, et à Fougères, on fait une opération ville morte en début, au milieu de janvier 68, parce que la crise de la chaussure qui faisait vivre la ville de Fougères, eh bien, a connu une telle crise que 37 usines ont fermé en 10 ans, Ludivine Montigny. On est de plus en plus nombreuses et nombreux à récuser ou en tout cas à nuancer l'expression de 30 glorieuses forgées, évidemment a posteriori par Jean Forastier, dans la mesure où on peut mesurer au travers des archives abondantes à ce sujet combien la situation économique est difficile et combien les conditions de travail sont difficiles avec de tout petits salaires et tout particulièrement dans l'Ouest. C'est ce qui va aussi susciter la mobilisation très forte de Caen dans le Calvados avec de jeunes ouvriers qui sont sous-payés et qui travaillent de 46, 48, parfois 50 heures par semaine. Et ce qui est très important aussi, c'est la question de l'emploi. C'est vrai qu'on a du mal à le mesurer aujourd'hui, mais cette question de l'emploi devient véritablement obsédante. On estime qu'il y a environ 470 000 ou 500 000 chômeurs, et tout particulièrement parmi les jeunes. Et à lire les archives départementales, on peut en effet prendre la mesure du nombre d'entreprises qui ferment, des licenciements, des mises à pied, entre autres. Et on connaît cela évidemment dans l'Ouest, en Bretagne, mais on connaît aussi cela au Sud, à Marseille. À Marseille, le mouvement des navires est toujours nul et les moyens de transport urbain inexistants. Les conséquences les plus spectaculaires des grèves ont été consécutives à celles des employés des grands magasins et supermarchés. À l'EDF-GDF, l'arrêt de travail d'aujourd'hui n'a pas entraîné de coupure dans la distribution. Dans les raffineries autour de l'étang de Berre, en grève pour 48 heures, la sécurité est assurée. À La Ciotat, où nous sommes, les chantiers navals sont occupés par les ouvriers en grève à 100%, tout comme ceux de la Seine, où la plupart des commerçants ont baissé leurs rideaux. Dans le Var, tous les réseaux de cars assurant les liaisons à courte distance, comme les chemins de fer de Provence, sont fermés. Débrayage total dans les mines de bauxite. Toutes les entreprises immobilisées sont occupées par leur personnel, mais on ne signale aucun incident dans la région varoise. À Toulon, les ouvriers de l'Arsenal effectueront demain une marche de 10 km à travers la ville. Aujourd'hui, les entreprises relevant... Voilà, la litanie, là aussi, des grèves à partir de la mi-mai 1968, mais dans la région donc qu'on appelle PACA aujourd'hui, et autour de Marseille, que ce soit donc à La Ciotat, à Toulon ou à Marseille même. Et vous avez publié donc avec bien d'autres chercheurs, et dont Isabelle Sommier, qui a dirigé l'ouvrage avec vous, Olivier Filleul, ce Marseille année 68, qui paraît aux presses de Sciences Po, et vous insistez, vous aussi, comme vient de le faire Ludivine Montigny, sur la situation économique très défavorable et particulièrement défavorable à Marseille, parce que voilà la perle de l'Orient, cette ville qui était la porte ouverte au commerce colonial en particulier, particulièrement déstabilisée par la fin des colonies, en tout cas l'Algérie en particulier. Oui, alors en effet, lorsqu'on entre dans 68 à Marseille et dans la région, la ville est déjà entrée en crise économique depuis un certain temps, et ça se ressent déjà, c'est-à-dire que les taux de chômage ont déjà doublé, ils sont beaucoup plus importants qu'en population générale où ils tournent autour de 2%, et donc on a une situation tout à fait particulière à Marseille, avec de nombreuses fermetures d'usines, les semouleries, tout ce qui est agroalimentaire est en train de disparaître, et bien entendu, la crise qui s'annonce de la métallurgie navale et de la construction ferroviaire. Et puis, pourtant, on peut dire que le gouvernement de Gaulle a tenté de pallier à cette crise en train de se mettre en place en inventant un immense projet européen et français, donc au sud, c'est le projet de Fos-sur-Mer, mais qui déplace d'une certaine façon la question de la population vers à 50 km de là. Alors, le projet de Fos-sur-Mer, qui est un projet qui date du début des années 60, va être, d'une part, il va être développé au moment où on entre dans la crise pétrolière, donc ça va être un flop terrible, bon ça personne ne pouvait le prévoir, mais au-delà, si vous voulez, on ne peut pas vraiment dire que le général de Gaulle cherche à développer la région en mettant en place le projet de Fos-sur-Mer. Le projet de Fos-sur-Mer a pour effet de vider Marseille, la ville de Marseille, de ses forces vives, de déplacer les activités en dehors de la commune de Marseille, ce qui arrange bien les intérêts de la majorité municipale d'ailleurs, puisque c'est le moyen en quelque sorte de faire sortir les ouvriers, les électeurs ouvriers, et de consolider une clientèle syndiquée à IFO, une clientèle qui est donc dans les hôpitaux, dans les services publics, dans l'ensemble des services publics. Et ça va être un des piliers, si vous voulez, du pouvoir municipal de faire rien. Oui, il faut s'attarder un tout petit peu là-dessus pour les auditeurs qui ne connaissent pas Marseille. Effectivement, Gaston Defferre est arrivé au pouvoir très vite après la libération, après une parenthèse d'un maire communiste qui restait très peu de temps à la tête de cette ville. Il tient la ville, il tient aussi les journaux locaux. Il est également assez proche, voire très proche du syndicat EFO parce qu'il est très anticommuniste, bien qu'étant de gauche. Et donc, effectivement, ce qui compte pour lui, c'est de faire pièce, pourrait-on dire, à la CGT et au Parti communiste dans sa ville de Marseille. Tout à fait, je crois que ça résume tout à fait la situation à Marseille dans ces années-là et pendant très longtemps, c'est-à-dire une majorité municipale, disons socialiste à la Defferre, appuyée sur le syndicat EFO, une CGT et un PC très forts quand même, hein, parce qu'il y a toute la mémoire de l'après-guerre, très fort, et cette espèce de confrontation permanente entre ces deux forces, ce qui fait qu'en 68, quand vont émerger les mouvements gauchistes, les partis gauchistes et toutes ces mobilisations, elles vont se retrouver d'entrée de jeu prises entre le marteau et l'enclume jusqu'à la fin des années 68. Et puis il faut dire aussi, et faut pas l'oublier, même si cette question étudiante est peut-être moins flagrante qu'à Paris, quoique, eh bien qu'il y a aussi une croissance considérable du nombre d'étudiants à Marseille, et pas simplement à Aix, la capitale habituelle de l'université dans la région, mais également à Marseille, et qu'il y a donc à nouveau là une possibilité d'explosion qui serait à la fois sociale et estudiantine. Tout à fait, il y a un vaste développement des lycées, le développement aussi de l'université. Le lycée Thiers, qui sera d'ailleurs rebaptisé pendant le mois de mai, le lycée de la Commune de Paris. Voilà, et effectivement le lycée Thiers était un des cœurs de la mobilisation étudiante, et une des particularités de la région effectivement c'est l'espèce d'opposition entre Aix-en-Provence et Marseille. Aix-en-Provence où le droit, où la faculté de droit se situe, où l'extrême droite tient la boutique en quelque sorte, et l'université de Marseille, la faculté des sciences à Saint-Charles, qui elle est tenue par les mouvements d'extrême gauche. Ludivine Mortini. Oui, pour aller dans le sens de ce que vous avez décrit sur la municipalité tenue par Gaston Defferre, on voit justement dans les archives que Gaston Defferre n'a de cesse que de faire arrêter la grève, hein, qu'il négocie avec le patronat. Mais vraiment, sa grande obsession, c'est que la grève se termine. Il y a la mémoire de 20 ans plus tôt, ce qui s'était passé pendant les grèves insurrectionnelles, dites insurrectionnelles de 47-48. Oui. Et effectivement, la place qu'y avait tenue à la fois le Parti communiste la CGT. Et l'affrontement face à Jules Morc, qui envoyait ses CRS. Ouais, et ce qui m'a frappé aussi dans les Bouches-du-Rhône tout particulièrement, c'est l'importance des municipalités occupées. Parce qu'en général, on parle de Nantes, évidemment, de la commune de Nantes, au sens où l'intersyndicale des grévistes a occupé l'hôtel de ville et a autogéré la ville pendant un certain temps. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses municipalités où les mairies étaient occupées par les employés, où il pouvait y avoir justement des comités de grève de différentes entreprises mobilisées. Et c'est tout particulièrement le cas dans les Bouches-du-Rhône, ce qui inquiète beaucoup les autorités préfectorales qui en dressent la liste chaque jour de manière un peu désespérée. Continuons notre petit tour de France. Nous avons parlé un tout petit peu de Bretagne, un peu de Marseille. Maintenant, nous allons partir du côté de Lyon pour un moment très délicat de ce mouvement à Lyon. C'est l'enterrement d'un commissaire qui a été tué pendant les événements de mai 68 à Lyon. Les obsèques du commissaire principal Lacroix, tué au cours des émeutes dans la nuit de vendredi à samedi, ont eu lieu à Lyon cet après-midi en présence de milliers de Lyonnais et d'un grand nombre de personnalités. Rappelons brièvement les circonstances de cette mort. Dans la nuit de samedi, tandis que CRS et gardes mobiles affrontaient les manifestants sur le pont Lafayette, un camion chargé de pierres fut lancé sur eux, accélérateur bloqué. Le commissaire Lacroix, tentant de l'arrêter, fut écrasé entre le camion et la rambarde du pont. Il mourait peu après. Hier, les auteurs de cette agression ont été arrêtés et inculpés d'homicide volontaire. Sophie Bérou, vous avez participé donc avec le collectif de la Grande Côte à la constitution de ce livre qui a été publié aux presses universitaires de Lyon. Lyon en lutte dans les années 68, lieu et trajectoire de la contestation. Cet événement de la mort du commissaire Lacroix, donc alors que les événements de mai 68 sont déjà très avancés à Lyon, est un moment un peu dur effectivement, parce que cela aussi montre qu'il n'y a pas d'événements simplement locaux pendant mai 68. Tout est surveillé par l'ensemble des médias qui ont des correspondants un peu partout. Et évidemment, tout fait sens au niveau national alors que cela se déroule au niveau local. Sophie Bérou. Oui, c'est tout à fait intéressant sur l'articulation locale-nationale. Parce qu'effectivement, la mort du commissaire Lacroix là, dans la nuit du 24 au 25 mai... Qui est un moment de très forte tension, cette nuit du 24 au 25 mai, à Lyon en particulier. C'est, oui. Pourrait-on dire, une sorte de nuit des barricades à la parisienne, mais 15 jours plus tard. Voilà, c'est la nuit des barricades lyonnaises. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté... Alors, il y a deux dimensions dans le mouvement lyonnais. Vous avez un côté un petit peu réplique du mouvement parisien, mais ça se déroule aussi dans d'autres villes, un peu diffusion du mouvement parisien. On a d'ailleurs souvent insisté, Sophie Bérou, sur cette idée que ça serait un mai en retard d'un ou deux jours et que tous les événements seraient décalés d'un ou deux jours et qu'il se passerait comme une sorte de mimique de ce qui se passe à Paris. Ben, on va aller essayer d'aller prendre le théâtre des Célestins quand d'autres ont pris le théâtre de l'Odéon, par exemple. Et en fait, vous nuancez cela dans votre ouvrage. Voilà, vous nuancez cela. On essaie de montrer qu'il y a un côté effectivement en réplique. Le mouvement étudiant qui part du campus de la Doua, qui est un petit peu l'équivalent de Nanterre. La faculté des lettres sur les quais du Rhône qui est occupée. L'usine Berlier qui fabrique des camions, qui est un petit peu l'équivalent en termes de forteresse ouvrière. On pratique l'anagramme. Oui, liberté. Voilà, liberté, parce que Berlier devient liberté, oui. Liberté. Ce qui avait déjà été le cas d'ailleurs en 47. Mais voilà, c'est un souvenir aussi, comme c'était dit auparavant, de ces grandes grèves de 47-48, en fait. Donc il y a un côté réplique, mais pas simplement. Il y a aussi des dynamiques locales qui joue fortement, qui joue dès avant 68 d'ailleurs. Ludivine Bantigny le montre bien dans son ouvrage. Il y a toute une série de conflits ouvriers, de luttes dans le secteur industriel qui sont des luttes qui annoncent mai-juin 68. Et c'est le cas par exemple à Lyon avec la mobilisation dans l'usine Rodiaceta de Vèze. À la fois en mars 67 et en décembre 67, avec des affrontements forts avec les forces de l'ordre, une détermination ouvrière, à la fois sur les salaires, mais pas seulement, aussi sur la question de l'organisation du travail, des jours de repos, des conditions de travail. Donc il y a des éléments différents, précurseurs, et puis il y a aussi donc ce qui va se jouer autour de cette nuit des barricades. Donc c'est un cortège étudiant qui part de la faculté des lettres, qui a l'idée d'aller occuper le théâtre des Célestins un petit peu pour occuper un théâtre comme l'Odéon. Et puis un certain nombre de militantes et de militants du mouvement du 22 mars. Parce qu'il y a aussi un mouvement du 22 mars lyonnais. Qui s'est créé à Lyon et ont l'idée d'aller vers la préfecture. Donc quand on recueille leurs témoignages, c'est à la fois l'idée d'occuper les forces de l'ordre aussi en province. C'est que toutes les forces de l'ordre ne soient pas concentrées à Paris, mais aussi ils ont envie d'avoir ce moment d'affrontement par rapport aussi à ce qui se passe à Paris. Et donc ça donne lieu à des affrontements extrêmement forts sur le pont Lafayette. Et effectivement, la mort de ce commissaire... qui va avoir un retentissement national, puisque ça va permettre à une partie de la presse de, quelque part, de retourner l'idée de la violence. Ce sont plus les étudiants qui subissent des violences, mais eux qui vont aussi faire preuve de violence. On va mettre en cause les trimards. Alors les trimards, c'est l'équivalent de ceux qu'on appelle les catangués dans le mouvement étudiant à Paris. Ce sont des jeunes, de jeunes d'origine populaire, souvent avec des emplois précaires ou sans emploi, qui font partie du mouvement étudiant, qui occupent l'université. Et deux d'entre eux, donc, c'était dit dans l'extrait, vont être arrêtés, Michel Raton et Marcel Munch. Et ils sont arrêtés en 68, ils vont être acquittés en 70. L'interne qui a qui est intervenu lorsque le commissaire Lacroix est arrivé à l'hôpital, a attesté du fait qu'il était mort d'une crise cardiaque, en fait. Donc il y a beaucoup de polémiques hein, sur cet événement et sur son interprétation. Mais sur le moment, il est récupéré par les forces conservatrices, mais il va aussi contribuer à diviser hein, au sein du mouvement et diviser au sein de la gauche. Oui, y compris en l'occurrence Ludivine Bentini avec une CGT qui dénonce une manifestation provocatrice, parce qu'effectivement il y a toujours cette tension au sein même des forces de gauche sur ce qui est fait par des jeunes qui n'appartiennent pas, par exemple, ni au Parti communiste ni à la CGT, ou qui appartiennent à des mouvements dits gauchistes, et puis les forces plus organisées habituellement de la CGT. Oui, bien sûr, c'est un clivage qu'on retrouve à l'échelle nationale, qui va être porteur de profondes divergences. La mort du commissaire Lacroix, vous avez raison, est un moment évidemment extrêmement dramatique, et qui va être particulièrement instrumentalisé, comme l'a indiqué Sophie Béraud, pour retourner la situation. Et il faut se rappeler qu'il y a eu, selon le mot employé d'ailleurs à l'époque par celles et ceux qui ont décrit l'événement, de véritables ratonnades dans les quartiers populaires de Lyon, notamment du côté de la Guillotière, par représailles à l'égard notamment de populations d'origine maghrébine qui évidemment n'étaient pour rien dans le drame. C'est assez bouleversant hein, de trouver aux archives départementales le carton qui s'intitule, un carton très volumineux, qui s'intitule « Mort du commissaire Lacroix »,« Mort de René Lacroix ». Et c'est vrai qu'à l'époque, la thèse officielle, c'est que le commissaire est mort, écrasé par ce camion. Et pourtant, ce que dit l'un des médecins qui a tenté de réanimer le commissaire, c'est que c'est lui-même qui a écrasé la cage thoracique en pratiquant un massage cardiaque de la dernière chance, étant donné que, visiblement, cet homme des problèmes cardiaques et qu'il n'aurait même pas dû être en service. Il n'était pas en service. Voilà. Mais ce qui compte, c'est à la fois, les circonstances de cette mort qui ont conduit, en effet, à l'acquittement de Raton et Munch en 1970, après deux années quand même de prison préventive. Mais ce qui compte encore plus finalement à l'échelle de l'événement, à l'échelle du moment, c'est la manière dont a été récupérée par toutes les forces qui étaient soucieuses de rétablir l'ordre moral, l'ordre social et politique, hein, de profiter de cet événement pour accuser très fortement les manifestants. Mais ça n'enlève rien, effectivement, au niveau de violence qui pouvait se développer dans des nuits comme celle-ci. Et puis, on va peut-être passer maintenant au répertoire d'action, aux innovations, pourrait-on dire, de tous ceux et toutes celles qui ont participé à mai-juin 1968. Eh bien, un exemple, c'est donc l'arrestation, enfin plutôt la mise sous séquestre d'un patron, c'est à Sud Aviation à Nantes. Georges Vincent, vous étiez leader CGT lors de l'occupation de Sud Aviation, un Bourgonnais près de Nantes. Une des premières usines à se lancer dans la bataille, hein, c'était le 14 mai. Oui, c'était le lendemain du 13 mai, mais enfin, c'est à vrai dire, c'est pas ce qui nous a amené à occuper l'usine. C'était un mouvement à Bouguenay qui durait déjà depuis le début du mois d'avril. Et vous séquestrez le patron. Oui, c'est vrai. Alors là, bon, faut mettre les choses bien au clair. Hein. Bon, il était retenu, hein, c'est un fait. Il y a deux ou trois personnes qui sont restées avec lui parce qu'elles voulaient bien. Si elles avaient voulu partir, elles partaient quand elles voulaient. Oui, donc le 18 mai, Georges Vincent, le directeur, donc appelle de son bureau, depuis son bureau, c'est oui, ça oui. Il appelle Europe numéro 1. C'est ça. Et parce que à ce moment-là, il y a un débat entre Eugène Descamps de la CFDT et Georges Ségui de la CGT. Oui. Et donc il interpelle les responsables. Les deux responsables. Ouais. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ben, il leur dit, est-ce que vous trouvez normal que je sois retenu séquestré à l'usine? Ben, bien entendu. Les deux, ils répondent non, c'est pas normal. Ils lui font observer toutefois que sa séquestration est assez relative, puisque, il peut téléphoner où il veut, il peut téléphoner chez lui quand il veut, qu'il a plusieurs mètres carrés, non seulement il avait son bureau à sa disposition, mais il avait aussi une autre petite salle où il pouvait dormir, et il avait aussi un truc de toilette dont il pouvait disposer, il pouvait se laver. On lui amenait à manger tous les jours, on ne l'a pas affamé. Et vous rappelez ce moment-là, le 18 mai, où il appelle Europe numéro 1? J'imagine oui. Que dans la cour, tous les ouvriers étaient réunis pour écouter ces fameux haut-parleurs, non? Oui, ben, moi je m'y trouvais avec un copain, j'ai dit tiens, ben, ça il est quand même, entre nous on se dit, il est un peu gonflé quand même d'appeler comme ça, mais après tout, il avait le téléphone à... Parce que vous n'étiez pas au courant qu'il allait appeler Europe 1? Ah, pas du tout. Il était libre de téléphoner à qui il voulait. Et donc vous avez appris comme ça par vos haut-parleurs que vous aviez... Je l'ai appris par le haut-parleur en écoutant Europe numéro 1 dans la cour. Bah. J'imagine que quand même ça a fait un peu du grabuge, non? Cette déclaration de Segui. Oui, sûrement, oui. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit de quoi il se mêle, tout ça. Bon, bah oui, mais enfin, on a discuté longtemps, de longues heures, avec un certain nombre de gars, y compris de la CGT, sur cette question-là. Mais il fallait bien reconnaître que... À partir du moment où vous devenez une sorte de symbole, que vous devez être exemplaire, quoi. Donc, en plus, ça servait plus à rien qu'il soit là, puisque la direction prenait directement contact avec nous par téléphone. Voilà donc un témoignage recueilli par Amélie Meffre pour une série d'émissions que nous avions faites il y a 10 ans dans la Fabrique de l'Histoire avec Renaud Dalmar à la réalisation autour du rôle de la radio, en l'occurrence la radio qui devient un acteur là par un coup de fil d'un patron séquestré à Sud Aviation à Bouguenay à Europe 1. Alors ça, Christian Boujard, c'est ce qu'on appelle le répertoire d'action, cette idée de prendre donc un patron et de le conserver pendant 16 jours avec les deux ou trois autres participants de l'encadrement dans ces bureaux de Sud Aviation. Ça fait partie des nouveautés, pourrait-on dire ? Alors tout à fait. Disons que le recours à la séquestration a déjà eu lieu, mais c'était une forme d'action relativement limitée. Comme on l'a dit dans le témoignage, déjà depuis plusieurs jours, il y avait des débrayages à Sud Aviation. Donc c'est le reflet de la situation sociale tendue à Nantes et en Basse-Loire, crise de la métallurgie en particulier. D'ailleurs, la reprise sera très très difficile dans la plupart des entreprises nantaises. Et c'est un petit groupe de militants FO, sous l'impulsion d'un militant trotskiste lambertiste. C'est pas les mêmes FO qu'à Marseille avec Gaston Defferre. Hein. Alors, pas du tout. Faut préciser tout de même. Pas du tout. Non, en Loire-Atlantique, vous avez une tradition chez FO, notamment avec anarcho-syndicaliste. Hébert. Voilà, anarcho-syndicaliste. Et quelques militants trotskistes très actifs sur le terrain à Nantes et à Saint-Nazaire. Et s'appuyant sur les ouvriers intérimaires de l'entreprise, ils parviennent, contre l'avis de la CGT d'ailleurs et les réserves de la CFDT, à déclencher l'occupation le 14 mai. Et on considère que c'est le point de départ de ce vaste mouvement social qui va mettre en grève 7 à 8 millions de salariés en France. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que immédiatement, les étudiants nantais, qui sont très mobilisés, vont aller vers l'entreprise pour développer des contacts, soutenir la lutte ouvrière. Et Nantes est relativement originale parce que la veille, au soir du 13 mai, donc la grande manifestation, la grande journée de grève générale, il y a eu des incidents avec quelques barricades dans le centre de Nantes, tentative d'investir la préfecture. Et là, un drame a certainement été évité, puisque le préfet Vier avait l'intention de faire tirer sur les manifestants, donc dès le 13 mai. Hein. Et c'est le ministère qui lui a interdit. Voilà. Alors, c'est heureusement, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur a refusé. Mais ça vous donne une idée à la fois de la tension qui règne et d'une certaine façon de l'incompréhension des événements de ce préfet qui, déjà en février, à la suite d'une manifestation étudiante, avait fait arrêter 45 étudiants nantais, ce qui, par ailleurs, avait provoqué aussi une rapide politisation des jeunes et des étudiants. Oui, si on change d'orient, pourrait-on dire, sur la carte de France et qu'on descend avec vous à Marseille, Olivier Filliol, est-ce que justement ce répertoire d'action est renouvelé à Marseille par des types d'actions différents de ce qu'on peut connaître à Nantes et que cette séquestration, par exemple, de Sud Aviation ? Alors, déjà, il faut distinguer, je crois, ce qui se passe dans la période de crise de mai-juin 68. En termes de répertoire d'action, on peut pas vraiment dire qu'il y a des innovations. Il y a des choses qui s'inventent en termes de visibilité des mobilisations, mais finalement pas tant que ça. Ce qui s'invente en termes de répertoire d'action, c'est après. C'est dans ce qu'on appelle les années 68. C'est donc dans les années 70 que vont s'inventer effectivement de nouveaux modes d'action. Le recours à la séquestration, ça a été souligné, n'est pas une innovation, une invention. Il se développe. buts. Voilà. Le recours à la violence, c'est pas non plus une nouveauté. On a dit tout à l'heure en début d'émission que justement un des intérêts de déplacer le regard vers la province, vers les villes, vers les métropoles en région, c'était de souligner à quel point 68 commence avant 68, donc avec le même mode d'action, etc. Donc il n'y a pas vraiment dans la période mai-juin 68 d'invention de nouveaux modes d'action. C'est rétrospectivement qu'on projette sur ces semaines, si vous voulez, voilà. Blocage, occupation, séquestration, c'est des choses qui prennent une ampleur, évidemment, sans commune mesure avec ce qui s'était passé dans le passé. Mais il n'y a pas véritablement d'invention là, si vous voulez. C'est vraiment dans les années subséquentes que ça va que vraiment les modes d'action vont changer, notamment d'ailleurs sous l'impulsion du mouvement féministe. On pourrait peut-être y revenir. Une autre chose que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, on évoquait en rigolant un peu FO à Marseille, FO en Bretagne, et ça n'est pas la même chose. Un des autres intérêts de la comparaison d'explorer des villes en région et de les mettre en comparaison, comme c'est le cas dans cette commémoration avec ces ouvrages qui sont sortis, c'est aussi de montrer que derrière les étiquettes, la CGT, FO, les partis, aussi bien les partis d'extrême gauche, etc., il y a une véritable diversité en région. C'est-à-dire que c'est pas la même histoire, c'est pas la même configuration. Et donc, au-delà, c'est intéressant de faire des monographies sur des villes, des régions de France, on en apprend plus, mais je crois que ça va au-delà. Ce qu'on apprend vraiment dans la comparaison, c'est toute la subtilité de la valse des étiquettes. La CGT qui est à Marseille est beaucoup plus contestataire qu'au niveau national, et donc du coup qui sera beaucoup plus, qui est plus présente dans la lutte d'une certaine façon. Alors, qui est plus présente dans la lutte parce qu'elle est de toute façon en lutte avec le pouvoir municipal, donc il y a une vraie nécessité d'être présent. Et puis il y aura un accueil plutôt favorable vis-à-vis de l'extrême gauche dans les années subséquentes. Donc voilà, pour revenir à cette question de répertoire d'action, je crois que c'est surtout après mai-juin 68 que se fixent de nouvelles manières de faire. Oui, il y a tout de même, par exemple, vous pointez du doigt cela dans votre ouvrage sur De Grands Soirs en Petit Matin, la réappropriation des sit-in, par exemple, qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique et qui se mettent en place, y compris, d'ailleurs, on le lit chez Christian Boujard, dans des villes comme Rennes ou comme Nantes. Quimper. Comme Quimper, Ludivine Montigny. Oui, mais si on peut dire que ces dispositifs-là de grève, de rassemblement et d'occupation sont, somme toute, des réactivations de choses qui s'étaient déjà produites sur le Front populaire, ce qui change, c'est vraiment non seulement l'échelle, mais c'est la dimension qualitative de cette mobilisation. Parce qu'on invente, sinon des formes et des dispositifs, du moins des projets, des imaginaires. Donc, ce qui est très frappant, c'est que dans ces assemblées, dans ces comités de grève, ces comités d'action, ces comités de quartier, on essaie vraiment de penser la société, les manières de la changer, les manières de changer la vie, ça c'est très fort. La question de l'art est souvent posée, elle est aussi la question de la culture, c'est la raison pour laquelle ce qui est aussi nouveau, c'est que des lieux comme des théâtres, des maisons de la culture, des maisons de jeunes sont occupés, qu'il y a des délégations de salariés qui viennent dans les universités occupées, ou les lycées d'ailleurs, parce qu'il faut se rappeler l'importance des lycées mobilisés, l'importance des élèves de lycée qui formulent des cahiers de doléances, des cahiers de revendications qui sont de véritable projet pédagogique tout à fait passionnant et stimulant, auquel parfois peuvent participer des salariés en grève. Parfois, ils organisent d'ailleurs des conférences de presse communes où on les voit discuter en commun de projets aussi d'ouverture, de démocratisation du rapport au savoir et à l'enseignement. Il faut parler de l'art aussi parce que, bien sûr, on a en tête les magnifiques affiches des ateliers dits des beaux-arts, dits plutôt ateliers populaires. Mais ce qui est frappant, c'est que dans certaines usines en grève, des ouvriers et ouvrières se réapproprient des pratiques artistiques. Je pense par exemple à ce qui se passe à Peugeot-Sochaux, où des ouvriers dessinent des fresques d'un lion dompté par un ouvrier, justement en grève, sur les murs des usines. Donc il y a quand même ce qu'on avait pu trouver, bien sûr, pendant le Front populaire, une grève qui est très active, qui est très agissante. Oui, il peut y avoir des artistes, il peut y avoir des balles, il peut y avoir de différentes pratiques artistiques, même si à certains endroits, il faut également le souligner, les forces syndicales en présence, et notamment à certains endroits, encore une fois, la CGT, ne souhaitent pas forcément qu'il y ait des comités de grève qui aillent au-delà d'une intersyndicale. Mmh. En tout cas, il y a vraiment une imagination et une créativité qui sont débordantes en 68 et qui laisseront en effet des traces tout au long des années qui suivent. Et j'ai d'ailleurs découvert, Sophie Bérou, en lisant votre ouvrage collectif du collectif de la Grande Côte sur Lyon en lutte dans les années 68, l'existence d'un atelier des beaux-arts de Lyon que je ne connaissais pas personnellement. On connaît très bien celui de Paris, mais il y a des magnifiques affiches qui ont été produites pendant le mouvement de mai juin 68, justement par cet atelier des Beaux-Arts, Sophie Bérou. Oui, tout à fait. Alors, ils ont à la fois repris des affiches parisiennes et puis ils ont produit des affiches originales. Hein. Et puis, c'est des traditions qui vont être reprises ensuite aussi pendant les différentes luttes des années 68, hein, notamment par rapport aux luttes urbaines, je pense à la Croix-Rouge. C'est pour ça qu'on a pris aussi d'ailleurs ce nom collectif du collectif de la Grande Côte, puisqu'il est par rapport au réaménagement, notamment de la Grande Côte à la Croix-Rouge, il va y avoir pas mal de luttes urbaines qui vont être des lieux de convergence hein, pour des militants à la fois syndicalistes, associatifs, de différents collectifs. Oui, parce qu'il faut noter, puisque Olivier Filleul nous enjoignait de le faire, effectivement, les différences entre certaines cités. Lyon n'est pas la cité en dépérissement qui était décrite comme Marseille tout à l'heure. C'est une cité en boom économique, avec les industries métallurgiques, chimiques qui fonctionnent très bien, puis surtout avec un maire, Zizi Pradel, qui est un maire très particulier, donc Louis Pradel, qui a d'ailleurs... son propre mouvement politique qui est l'acronyme de son nom donc et qui est un modernisateur forcené à qui on doit Perrache, Fourvière et deux ou trois merveilles de l'urbanisme lyonnais des années 60 et 70. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez d'avancer. Il y a à la fois cette question des temporalités de la crise. Hein. Ça, on l'a bien vu dans notre enquête collective par rapport aux cinq villes. C'est les manifestations de la crise économique et temporalité de celle-ci ne sont pas les mêmes selon les villes. Et c'est vrai que, par exemple, même par rapport à Lyon, hein, ce qui se passe à Saint-Étienne ou à Roanne, où il y a déjà de fortes manifestations de la crise, notamment du textile, c'est en partie vrai à Lyon, mais Lyon, il y a aussi toute une reconversion des entreprises textiles dans la chimie. Il y a un développement, bien sûr, du couloir de la chimie, de Fézin. Donc les manifestations de la crise en termes de suppression d'emplois, de fermeture, de lignes de production, d'établissements vont se faire sentir un petit peu plus tard, fin des années 70, deuxième moitié des années 70 et bien sûr début des années 80. Après, allez-y, continuez, excusez-moi. Pardon, oui, ce que vous signalez là sur la... Louis Pradel, effectivement, hein, on a souvent cette image de Lyon aussi, d'une ville très tranquille, avec des maires qui s'inscrivent, qui veulent s'inscrire, en tout cas qui essayent de montrer qu'ils sont au centre centriste, qu'ils ont leur mouvement. Alors, c'était le cas aussi en partie d'Heriot avant Louis Pradel. Hein, Louis Pradel, il va être maire de 57 à 76. Cette idée, ma carrière, elle est au niveau local, et voilà, je suis un maire modernisateur, inscrit au centre du jeu politique. Ça masque, je pense, d'autres dimensions de la vie politique et sociale à Lyon, où Lyon est encore, à l'époque, une ville ouvrière, une ville à forte proportion ouvrière dans certains arrondissements, le 1er, le 8e, le 9e. Et vous vous étonnez d'ailleurs. Qui sont implantés dans la ville, en fait. Hein. Vous vous étonnez d'ailleurs du fait que les chercheurs ont toujours l'intention, quand ils parlent de Lyon ouvrier, de repartir du côté des canuts et des années 1830 et que on pourrait, avec beaucoup de profit, s'intéresser à Lyon, capitale industrielle, jusqu'aux années 70-80, puisque c'est le cas, en l'occurrence, Sophie Bérou. Oui, alors ça, c'est une démarche que nous avons faite en essayant de faire un peu un état des travaux existants. Et nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt par rapport aux entrepreneurs à Lyon. Hein, le côté, les grandes familles notamment dans la métallurgie, de la chimie, hein, surtout du côté, bien sûr, Rhône Poulenc. Mais qui finalement, il y avait toute une tradition d'histoire sociale très présente à Lyon et qui s'est plutôt orientée au fur et à mesure à la fois vers la question du féminisme et puis la question des luttes urbaines. Donc ça vient enrichir cette histoire sociale, mais peut-être avec après 45 un peu moins de travaux sur la contestation ouvrière. Même si on peut trouver, bien sûr, des travaux qu'on peut mener Xavier Vignat ou Michel Zancarini-Fournel qui nous permettent un petit peu d'éclairer hein, ces dimensions, ces connexions aussi entre luttes urbaines et luttes ouvrières, en fait. Hein. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que ça ne semble pas faire débat entre vous qu'en 67-68, comme on le disait depuis le début de cette émission, il y a un début de crise et que économiquement, que ça soit à Marseille, à Lyon, Sophie Bérou nous dit un tout petit peu plus tard, parce que ça marche encore, mais en Bretagne, avec Christian Boujard, on est dans un moment où on a une représentation aujourd'hui de ce qui se passe à ce moment-là comme étant un moment de croissance. Et d'ailleurs, on entendait la musique sous les archives de l'INA, qui était une musique des années 60, façon Tati, très guillerette et très sautillante. Mais qu'en même temps, Olivier Filleul, ça n'est pas la perception qu'on en a quand on se plonge dans les archives. Oui, tout à fait. Ou bien, soit qu'on se plonge dans les archives, soit qu'on interviewe les ex-68ards, donc les personnes qui aujourd'hui ont plutôt autour de 70 ans, et qui nous racontent leurs conditions de travail, leurs conditions d'existence. Et c'est vrai que... Mais c'est même ces ex-68ards, il y a 20 ans, quand on est-ce que c'était les mêmes? Quand on allait les interroger, ils vous disaient, on quittait un boulot, puis on en reprenait un autre le lendemain matin, ça posait pas de problème. Mais ça, disons que c'est une autre dimension. On peut être dans un monde où on trouve du travail du jour au lendemain quand on quitte son emploi, ce qui est évidemment très confortable, et d'emploi en emploi être dans des emplois, excusez-moi l'expression, de merde. Mmh. Et donc, si vous voulez, les conditions de travail en usine, dans les sardineries à Marseille ou dans les entreprises métallurgiques sont quand même, nous apparaissent tout à fait exotiques aujourd'hui. Et pour autant, ça n'empêche pas qu'effectivement, le chômage est très faible. Mais c'est deux dimensions différentes. Oui, mais il commence à augmenter, dites-vous, Ludivine Montigny. Oui, d'ailleurs, de nombreux milieux, qu'il s'agisse du milieu économique, patronaux, syndicaux, d'observateurs de la vie sociale et économique, parlent vraiment clairement de crise, parlent d'un retournement de la conjoncture à compter de 1966-67. Et c'est un phénomène que l'on observe partout en Europe. Et ce que l'on mesure aussi, c'est la compétition exacerbée entre les différentes économies, notamment européennes, par le biais entre autres du marché commun, par le biais de l'ouverture des échanges à l'échelle internationale avec le cycle du Kennedy Round. Et donc il y a vraiment cette conscience-là qui est très forte. Et puis, dans le prolongement de ce que vient dire Olivier Filleul, il faut quand même mesurer les conditions de travail de l'époque. On travaille encore beaucoup par rémunération aux pièces, avec une productivité, des formes de rendement qui sont extrêmes, avec encore une fois des semaines de travail qui sont très très longues. La France est le pays d'Europe où on travaille le plus longtemps à l'échelle de la durée hebdomadaire du travail. On travaille très tôt, il faut se le rappeler aussi, parce qu'on parle beaucoup des étudiants, mais les jeunes, pour la plupart, commencent à travailler dès l'âge de 15 ans, 16 ans. Certes, la loi de 1959 porte l'âge de la scolarité obligatoire à 16 ans, mais en fait elle met longtemps à s'appliquer, donc il n'est pas rare de commencer à travailler en usine ou sur les chantiers du bâtiment ou dans les bureaux à l'âge de 14 ans, et on remet son salaire à la famille. Et il faut se rappeler aussi les logements exigus. On estime qu'il y a un tiers des logements encore qui sont surpeuplés, qu'il y a la moitié des logements qui ne sont pas encore équipés des installations élémentaires, des toilettes, de l'eau courante. C'est ça aussi la France de 68, et on aurait tort de la masquer ou de l'occulter sous l'expression de Trente Glorieuses. Mmh. Christian Boujard, vous êtes d'accord pour la Bretagne? Absolument. Et les autorités sur le terrain en sont parfaitement conscientes. Le préfet de région de Rennes, au lendemain de la grande manifestation du 8 mai, envoie un rapport à Paris en disant « il faut absolument réagir rapidement, sinon on se prépare des moments encore plus difficiles ». Et deux jours après, il y a la nuit des barricades et le mouvement se généralise et s'étend. Et bon, en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, en Bretagne, l'exploitation est particulièrement forte. Mmh. Et vous le soulignez au début de cet entretien, les banderoles, les slogans dénoncent le capitalisme exploiteur, y compris du côté des jeunes agriculteurs. Qui sont d'ailleurs en tension avec les plus âgés, en l'occurrence, leurs parents. Absolument. On a cité Gourvennec tout à l'heure, mais il faudrait aussi citer Bernard Lambert. Bien sûr, les paysans travailleurs. Oui, qui va créer le mouvement des paysans travailleurs, qui a adhéré au PSU en 66 et qui est véritablement le leader du monde paysan de l'ouest de la France. D'où par exemple le 24 mai l'investissement tout à fait pacifique de Nantes par des tracteurs, les rondes de tracteurs dans les côtes du Nord. Enfin, on voit bien que, y compris dans les campagnes, les choses bougent et les conditions de travail et d'exploitation dans les entreprises sont vraiment l'une des motivations de ces grandes grèves de 68. Et il faut souvenir aussi, Christian Boujard, que toute la Bretagne, loin de là, n'est pas électrifiée en 1968. On termine l'électrification de la Bretagne, en tous les cas, à ce moment-là. Oui, absolument. Pour vous donner un seul exemple, dans les côtes du Nord, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un tiers seulement des communes étaient totalement électrifiées. Donc ça prend du temps. En même temps, vous avez le remembrement qui a bousculé les paysages, les modes d'exploitation. Ce remembrement qui est encore en cours en 68 d'ailleurs, puisqu'il a commencé au tout début des années 60 et il continue et il perdure à ce moment-là. Bien sûr, et là aussi ça provoque des affrontements internes entre une paysannerie traditionnelle, conservatrice, qui est un petit peu dépassée, et ces jeunes agriculteurs modernistes, bon, certains de droite, d'autres de gauche, qui veulent vraiment faire bouger les choses et qui trouvent que l'État n'intervient pas suffisamment, que les réformes ne sont pas suffisantes. Donc ça traduit aussi ces contradictions internes, y compris au mouvement de mai 68. Ludivine Montigny, pour conclure avec Olivier Filleul, sur justement ces questions de renouvellement de la recherche due à peut-être un nouveau regard porté sur ce mouvement et une nouvelle façon d'envisager ce qui s'est passé il y a 50 ans. C'est vrai qu'on a l'impression, en vous lisant tous, qu'on redécouvre quelque chose qu'on croyait connaître. Oui, parce que bon, assez banalement, on croit justement ces échelles, observer ce qui se passe encore une fois au niveau des quartiers, ça c'est très nouveau, les comités d'action, les comités de quartier, c'est très nouveau, en 68 quand même, ce sont des formes nouvelles qui en fait nous placent aussi à certains égards à une échelle internationale. C'est ça qui est frappant, c'est que dans des quartiers, on prend la parole, on réfléchit, on imagine, et on pose aussi des questions qui sont de nature internationale, voire internationaliste, et ça c'est passionnant parce qu'il y a un foisonnement véritablement de projets et d'imaginaires politique, sociaux et culturels en 68. Et ce qu'il faut dire, effectivement, aussi, c'est qu'en vous lisant, on ne s'arrête pas en 68, on ne s'arrête pas en juin 68. Tous, vous continuez au-delà pour montrer, disons, l'effet qu'a eu 68 sur les types de luttes qui seront menées ensuite dans les années dites 68. Oui, alors en effet, un des éléments importants, c'est de penser année 68 et donc de replacer la crise de mai-juin 68, c'est quelques semaines seulement, certes énorme, mais quelques semaines seulement, dans une périodisation plus large. Donc il y a des variations d'échelle aussi temporelles qui font gagner beaucoup à la connaissance. Mais je crois que ce qui marque principalement la commémoration du cinquantenaire par rapport aux précédentes commémorations, c'est la présence désormais des militants ordinaires, des piétons de mai, donc des personnes dont on ne disait rien, dont on ne savait finalement pas grand chose jusqu'à présent. C'est vrai que le livre d'Actes Sud est le premier à pouvoir objectiver, en quelque sorte, dresser un portrait sociologique des militants de 68. Ça s'appelle Changer le monde, changer sa vie. On a parlé également de Lyon en lutte dans les années 68. C'est aux presses universitaires de Lyon, de Marseille années 68, aux presses de Sciences Po des années 68 en Bretagne, aux presses universitaires de Rennes, et de votre livre Ludivine Montigny, 1968, de Grand Soir en Petit Matin, dans la collection L'Univers historique au Seuil. De misère, écoutez-les nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et sachez que France Culture va vous parler pendant toute cette semaine de ces questions qui ont émergé en 1968. Cet après-midi, par exemple, nous parlerons dans la série documentaire. Il y a une série consacrée entièrement à la question de la révolution n'est pas un dîner de gala, et donc en particulier à l'internationalisation des questions révolutionnaires dans les années 60 et 70. Et puis, à la fin de la semaine, vous le savez, il y a le week-end Imagine sur l'esprit de mai au Centre Pompidou, qui se tiendra pendant 2 jours, donc le 28 et le 29. Et le 28, eh bien, nous aurons le plaisir de lancer donc une application téléchargeable sur vos portables, donc qui vous permettra de vous promener en compagnie d'historiennes, dont Ludivine Montigny, dans le quartier autour de la Sorbonne, et de réentendre les sons et les analyses des uns et des autres autour de ce qui s'est passé en mai 68 dans ce quartier donc latin. Et puis voilà, il faut dire aussi que nous sommes à la toute fin de cette émission et que dans quelques secondes vous pourrez entendre aussi une autre émission sur 68, mais sur la pensée 68. France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture et le Centre Pompidou vous invitent à partager la 3e édition du Festival Imagine, les 28 et 29 avril. Culture, création, vie des idées, l'esprit de mai soufflera sur l'événement. Qu'est-ce qu'a changé mai 68? Un week-end de marathon radio, masterclass, concerts, ateliers, performances, entrée libre. 1968-2018, l'esprit de mai, à vivre au Centre Pompidou, les 28 et 29 avril. Plus d'infos, franceculture.fr, centrepompidou.fr et sur les réseaux sociaux avec hashtag WEImagine. Cette émission était, comme d'habitude, préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Antoine Pitiloni était à la technique avec nous et à la réalisation, Renaud Dalmar.